Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette dernière séance du séminaire Pratique et ontologie. Donc ce soir, nous recevons Eduardo Viveros de Castro, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même. Donc Eduardo Viveros de Castro est professeur au Musée National de Rio de Janeiro, il est membre du LESC par ailleurs. C'est l'auteur de Métaphysique cannibale, publié au PUF. Et il est en train de sortir, il contribue à un livre qui s'apprête à sortir, qui s'appelle « De l'univers clos au monde infini », qui est publié sous la direction d'Émilie H. Donc on voudrait remercier tout d'abord Eduardo Viveros de Castro d'avoir accepté de faire le trajet depuis le Brésil pour venir nous parler. Ce soir, il va nous parler de l'ontologie à anthropologie variable. Et donc, je vais tout de suite lui laisser la parole. Merci encore d'avoir accepté de participer. Alors, merci à Daphné, à Camille, à Jean-Pierre qui m'ont invité à parler ici. Je me sens un peu intimidé devant tant de gens dans cet amphithéâtre tellement luxueux, tellement différent de la Nanterre que j'ai connue il y a 25, 30 ans, quand c'était complètement délabré. Ça reste encore, il y a encore quelques points que j'ai remarqués qui ont encore l'esprit 85, en fait, première fois que je suis venu ici. Mais, alors bon, j'ai des choses. Je me sens toujours un peu confortable quand j'ai parlé sur le sujet tel qui ont le mot ontologie dans les titres. En partie parce que dans les derniers 18 mois, j'ai participé des 5 colloques, aux séminaires, aux rencontres, comme vous voulez, qui avaient le mot ontologie dans les titres. C'est le 5e colloque en 18 mois qui a ce mot dans les titres. Je ne peux pas vraiment me plaindre parce que j'ai co-organisé 2 d'entre eux. Donc, alors c'est en partie ma faute. Mais de toute façon, c'est difficile de ne pas se répéter et surtout d'aller au-delà de ce que j'ai déjà pu aller dans ces livres Métaphysique cannibale, auxquels je n'ai vraiment pas grand-chose à ajouter, faut dire. Tout ce que je peux faire, c'était soit répondre à des critiques, ce que le livre a suscité, ce qui, en général, c'est long, c'est dur, c'est difficile, parce que soit la personne a raison, et donc, dans ces cas-là, à quoi bon discuter, soit elle n'a pas, dans ces cas-là non plus, à quoi bon discuter. Et de toute façon, on peut toujours essayer d'éclaircir quelques points que j'ai fait dans ces livres et dans d'autres écrits. Mais je voulais commencer, en fait, par cette image que vous voyez derrière moi, parce que j'ai tombé sur elle hier et elle m'a énormément plu comme image. C'est en fait un montage, évidemment, puisque le corps, c'est de Descartes. C'est le portrait de Descartes peint par Franz Hals et le visage est un indien vivant contemporain qui a été rassemblé avec le miracle du Photoshop pour faire comme s'il s'agissait d'une seule personne. Et quand j'ai vu l'image, je pouvais jurer que c'était une image de l'époque du Brésil hollandais, c'est-à-dire parce que comme vous savez, les Hollandais ont été au Brésil pendant 50-60 ans, précisément au XVIIe siècle, et précisément quand Descartes se baladait en Hollande d'ailleurs, et Maurice de Nassau était à Recife au Brésil, il avait emporté avec lui force peintre, naturaliste, etc., dont quelques-uns très bons comme Franz Post et Eckhart, etc. Et quand je vis, il y a quand même quelques images d'Indiens habillés en Européen, en Hollandais. Et donc, ça serait parfaitement possible d'avoir une image comme celle-ci, peinte au XVIIe siècle. Mais évidemment, d'un coup, je me suis dit, non, pas du tout, ça c'est Descartes, ça c'est, ça, c'est, le, Ça c'est le corps de Descartes, c'est pas le corps de l'Indien. Et ensuite j'ai demandé à l'auteur de la contrefaçon, qui est un ami à moi, un poète et un très bon designer graphique qui s'appelle André Vallies. Il a dit oui, bien sûr, ça c'est le corps de Franz Hals, c'est Descartes, pas Franz Hals, le visage c'est de Monsieur Antel, c'est un Indien Rick Batsak qui est vivant d'ailleurs, et qui avait une couronne de plumes. Il m'a fallu enlever la couronne de plumes pour qu'il ressemble un peu plus à Descartes. Et en plus, il y a le motto, la phrase en bas, Indien donc je résiste. C'est-à-dire, je suis indien donc je résiste, qui c'est, évidemment, variation de cogito cartésien. Et la phrase, c'est juste parce qu'on est en ce moment, c'est le mois d'avril, c'est le mois où, au Brésil, on mène une campagne qui va durer et qui dure tout le mois d'avril contre le projet de loi qui sont en ce moment en train d'être discutés dans le Congrès. Et qui menace de changer complètement le système de droit indigène au territoire. Mais campagne menée par la droite de grands propriétaires fonciers et les fondamentalistes protestants évangéliques qui sont alliés aux grands propriétaires fonciers pour en finir avec cette idée d'indianité, d'indigénité. Soit en les enlevant les terres qu'ils encore ont, soit en leur enlevant la religion, la culture qu'ils ont encore. Donc la campagne joue sur cette idée de comment relancer une résistance indigène en ce moment-là. Et cette image-là, ça fait partie d'une campagne. Sur Internet, il y a plusieurs variations sur des sujets pareils. Mais cette image aussi intéressante pour deux autres raisons. Il y a un livre assez connu au Brésil, écrit par un poète déjà décédé, mais contemporain, Paulo Leminski, un grand poète du sud-brésilien, ni polonais ni brésilien, qui s'appelle Catatau. C'est un grand livre. Catatau, ça veut dire entre autres choses. Catatau, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, beaucoup de choses. Sinon, une chose grande, quoi. Et Catatau, c'est un livre, un roman fleuve, sans ponctuation, 500 pages, qui est axé sur un thème, le sujet d'expérience mentale du livre, c'est la suivante, c'est simple. Descartes est venu avec Maurice Senasso au Brésil avant d'écrire avant d'avoir eu son épiphanie. Il est venu au Brésil avec Maurice Senasso et il devient fou au Brésil parce qu'il n'arrive pas à, ses cogitations ne prennent pas, disons, devant c'est le tamon noir, les tatous, le crocodile et la marijuana quand tout le monde fumait à cette époque à Recife, donc il se tape de la marijuana tout le temps, donc ses idées ne deviennent pas du tout claires et distantes, bien au contraire. Et donc finalement le roman c'est l'histoire de comment la philosophie moderne aurait pu ne pas avoir lieu si Descartes avait voyagé au Brésil avec Maurice Senasso. Et alors cette image, c'est évidemment Descartes lui-même, après, disons, 40 ans au Brésil, complètement indianisé, ayant abandonné tout velléité de faire de la philosophie, et avec une certaine mélancolie, on voit une certaine mélancolie dans son regard, peut-être une certaine nostalgie pour l'Europe, mais j'aime beaucoup imaginer que ça pourrait être Descartes, tanné, bien bronzé par le soleil des tropiques, et donc ayant mis un grand comment s'appelle ça, un labré auriculaire, et bon voilà, ça pour moi ça c'est Descartes. Et évidemment, pour finir avec l'allégorisme par lequel je commence ma causerie ici, ça, c'est évidemment une allégorie du rapport entre la philosophie moderne européenne et la pensée indienne. Au sens que on pourrait imaginer, voilà, c'est un Indien, un philosophe, c'est un philosophe, un Indien, c'est un Indien pensé comme philosophe, portrait d'Indien, d'un Indien en philosophe, au portrait du philosophe en Indien. On pourrait l'imaginer soit d'un côté, soit de l'autre. Mais de toute façon, cette image, en fait, croise deux thèmes, finalement, ce que j'ai à vous présenter, c'est-à-dire quels sont les usages possibles par la philosophie ou contre la philosophie de la pensée amérindienne. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, une pensée amérindienne et quels sont les rapports possibles qu'on peut établir entre cette pensée et les discours philosophiques au sens large occidental. Ce que je vais vous présenter ici, comme j'ai dit, c'est le cinquième, on est dans le cinquième colloque où ce mot orgueilleux, ce mot pompeux, je casse comme ça, que Kant définissait le mot ontologie, il dit quelque part dans la critique, il faut abandonner ce mot pompeux, ce mot orgueilleux d'ontologie, et lui changer, lui mettre à la place quelque chose de beaucoup plus modeste, comme analytique de l'entendement pur. J'ai trouvé toujours ça intéressant que analytique de l'entendement pur, c'est beaucoup plus modeste qu'ontologie, mais bon. Et alors, ce que je vais vous présenter, c'est ce que j'ai appris, en fait, récemment avec quelques philosophes et avec qui je reste en conversation, notamment Bruno Latour, Patrice Pagnolier qui est là, Marc-Antoine Valentin, un ex-Heideggerien que j'ai réussi à convertir, à faire sortir de l'enfer heideggerien. Et last but not least, ma femme, philosophe, Deborah Danowski. Je vais faire ma présentation en forme de point, d'une façon presque aphoristique, non seulement parce que je parle en texte suivi, c'est pas la première fois, ni ne sera pas la dernière que je prends un texte suivi devant moi, mais bon. Mais de toute façon, j'aimerais commencer par mettant en perspective l'importance de mon travail. Parce que des fois, je me sens très mal, parce que je pense que les gens donnent à mon travail beaucoup plus d'importance qu'il a. J'ai dit ça sans aucune fausse modestie. C'est une sensation d'incommodité, par exemple, pourquoi est-ce que les gens prêtent tellement d'attention à ce que, en fait, n'était qu'une contribution qui se voulait latérale à des questions énormes, en fait. D'abord, il faut que je dise que avec toutes les lettres en fait, captent que je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas philosophe parce que je n'ai pas un grand engagement, un grand compromis avec la cohérence conceptuelle. Je ne me sens pas particulièrement obligé par la cohérence conceptuelle, donc je ne suis pas philosophe. Le livre Métaphysique Hannibal que j'ai écrit, qui a causé un certain frisson, je le sais, non seulement dans les milieux locaux, mais surtout, et à mon avis ça pour moi c'est spécialement important, en Amérique latine, le livre a été traduit en espagnol, il a connu un certain succès dans le pays latino-américain. Pour moi, c'est très important ça, parce que je suis brésilien. Le Brésil, c'est un pays qui a toujours regardé vers l'Atlantique, toujours donné son dos au reste de l'Amérique latine. Les Brésiliens ne se considèrent pas comme latino-américains. D'abord, on ne parle pas l'espagnol, ils disent, nous disons. Ensuite, nous avons beaucoup plus de rapports avec l'Afrique, avec l'Europe, avec l'Amérique latine. C'est qu'il faut, je pense. Et donc, la répercussion que ces livres ont eu en Argentine, au Pérou, en Colombie, etc., m'a été d'une grande importance affective, disons. Mais de toute façon, c'est un livre qui n'est pas du tout un livre de philosophie, quoi qu'il est sorti d'une collection de philosophie. Ce n'est pas un livre de philosophie, c'est même pas un livre d'anthropologie non plus, mais c'est un livre écrit par l'anthropologue pour les philosophes, c'est-à-dire pour être lu par les philosophes et non pas par les anthropologues. Ce n'est pas un livre de philosophes, mais pour philosophes, qui rassemble le résultat le plus généraux auquel je suis arrivé dans mes recherches ethnographiques et ethnologiques, en les embellissant un petit peu à l'aide de fausses fanfaronnades philosophantes. Ce n'est pas un livre pour anthropologues non plus. Il n'y a pas de grande nouveauté anthropologique dans les livres, comme beaucoup de mes collègues se sont plaints en disant « mais il n'y a rien de nouveau dans ton livre ». J'ai dit « oui, mais ce n'est pas pour toi ce livre-là ». Hein? Il n'a pas été écrit pour toi, ça a été écrit pour les ignorants, pour les pauvres philosophes qui ne savent rien de l'anthropologie. Ce n'est pas pour toi qui es un grand spécialiste en cosmologie amazonienne ou en parenté chinoise ou quoi que ce soit. Donc, mon objectif, mon but était d'essayer d'intéresser la philosophie académique au problème, ou plutôt au thème identifié par l'anthropologie, plus spécifiquement par l'ethnologie amazonienne, simplement intéresser la philosophie académique à ce thème-là, à ce thème et ce problème. Il y avait évidemment là-dessus, il y a une chose, comme en guise de note en bas de page, je dois dire aussi que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que le concept qui m'a amené à écrire le livre, c'est-à-dire celui du perspectivivisme, quoique elle a eu une influence considérable sur l'ethnologie locale, sinon sur l'ethnologie d'autres régions du monde comme la Mongolie, etc., elle a surtout provoqué des réactions, ça m'a beaucoup étonné, dans le milieu artistique. Le livre a été très lu par des artistes. Et il y a des expositions qui se sont tournées autour de ces thèmes. Et je me demande toujours pourquoi est-ce que le livre a tellement suscité l'intérêt de gens qui ne sont pas de l'académie au stricto sensu et qui n'avaient pas, le livre n'a pas de proposition particulièrement esthétique ou dirigée vers ce, de toute façon, c'est une question qui m'a quand même me laisse un peu étonné dans le bon sens du terme. Mais évidemment, cet essai d'intéresser la philosophie académique aux problèmes anthropologiques identifiés en Amazonie indigène, il y avait évidemment une intention politique évidente. C'était l'intention de créer une arène d'interlocution où, pour utiliser le terme de Bruno Latour, où les humains et les terriens pourraient commencer à échanger des idées. Les humains et les terriens, c'est-à-dire, les terriens, ce sont le peuple de Gaïa, comme dirait Bruno Latour, les gens qui appartiennent à la terre, non pas au territoire, mais à la terre. Il ne faut pas oublier le petit mot que Deleuze et Guattari écrivent dans, je crois que dans Mille Plateaux, le territoire est allemand, mais la terre est grecque. Et le peuple de Gaïa, c'est le peuple de la terre, non pas du sol, non pas de la race, mais le peuple de la terre. Et c'est ça, ce sont les terriens, et je associais les terriens évidemment aux indigènes, surtout dans ce moment où leur rapport à la terre a été territorialisé et ensuite déterritorialisé par ce projet de loi qui sont là justement en train d'être discutés, et d'autre côté ceux que Latour appelle les humains avec un petit brin d'ironie, qui c'est-à-dire les modernes, c'est-à-dire nous, ou plutôt vous, parce que moi, c'est-à-dire le peuple, les adorateurs de la Sainte Trinité, État, marché, raison, c'est-à-dire le Dieu, le Père et le Saint-Esprit de la métaphysique de la modernité. L'État, c'est un Dieu-Père, marché, évidemment, c'est le Fils, c'est l'homme, et la raison ne peut être que le Saint-Esprit. Évidemment. Donc, voilà. Contre cette religion, cette Trinité-là, je posait le peuple de Gaïa avec une autre panthéon complètement différent. Un autre panthéon sociopolitique, géopolitique, complètement différent de cette trinité-là. Mais donc, il y avait une intention politique dans cette présentation de la pensée amérindienne à la philosophie contemporaine, qui était l'intention, en fait, de mettre finalement ces deux peuples en pied d'égalité au sens de permettre qu'ils puissent commencer à se parler dans un langage qui ne soit pas le langage vertical, biaisé, dans lequel ils ne peuvent être que l'objet de notre discours à nous. J'essaie aussi dans ce livre de renouer le dialogue, le fil du dialogue entre anthropologie et philosophie qui avait été perdu après l'apogée du structuralisme et du post-structuralisme. N'oublions pas que, entre autres, l'Anti-Édipe et Émile Platon sont des livres bourrés de références anthropologiques, que Derrida a écrit un livre sur les dons et que Lyotard a un livre sur le mythe Kashinawa. Donc, il y a eu une époque où les philosophes s'intéressaient directement aux matériaux anthropologiques, au sens le plus classique du terme, matériaux anthropologiques. Les lignages noirs, le mythe Kashinawa, enfin, des trucs substantieux. Mais à partir de ce moment-là, à partir avec le passage du structuralisme et du post-structuralisme, ou pour tout dire après 68, mon impression c'est que l'anthropologie a commencé à montrer une certaine tendance à se fermer sur soi, se replier, se fermer sur soi-même, et la scène philosophique locale, vue par moi comme un étranger là-dessus, à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 80, ça a été l'année où je commençais à avoir un contact plus intime avec la scène française, la scène philosophique locale me semblait avoir été complètement envahie par une philosophie analytique américanisée, anglo-américanisée, adepte d'une ontologie intransigeamment, si ce mot existe en français, naturaliste, au sens d'Escola, et avec des implications d'exclusion et des intentions purificatrices du champ philosophique, d'un côté. Et de l'autre côté, la scène philosophique. D'alors, je voyais la scène philosophique comme divisée entre, d'un côté, une philosophie analytique fortement sympathique à une ontologie naturaliste pure et dure, et de l'autre côté, par une sorte de vague néo-kantisme moralisateur et moralisant, de l'autre côté. Et avec ça, l'impression que j'ai, c'était que le dialogue entre l'anthropologie et la philosophie avait été rompu pour de bon. Et mon idée, c'était donc d'essayer de renouer ce dialogue, et j'ai pu le faire parce que la philosophie française avait beaucoup changé. Et à partir des années 90, j'oserais dire, et l'anthropologie aussi, il faut le dire, et la possibilité d'un nouveau dialogue entre philosophie et anthropologie commence à s'établir sur plusieurs fréquences, dans plusieurs directions, quelques-unes contradictoires les unes avec les autres, mais de toute façon, les dialogues, de nouveau, à l'ordre du jour, ce qui me semble tout à fait bienvenu. Ce n'est pas par hasard que ce colloque s'appelle ontologie, pratique ontologie. Alors, pour en finir avec mon ego trip initial ici, mon ego introduction, je dois dire que, encore une fois, je ne suis pas philosophe, je ne suis qu'un simple marchand forain, un camelot qui vend sa quincaillerie bon marché à des paysans naïfs, si ça existe, des paysans naïfs, enfin bon. En tant qu'anthropologue, je peux dire sans fausse modestie que je suis arrivé au niveau d'être un spécialiste dans des aires très restreintes, telles l'ethnologie amazonienne ou la théorie de la parenté, par exemple. Mais en tant qu'ethnographe, je suis nettement professionnel en dessous de la moyenne. J'ai peu d'expérience de terrain, j'ai peu de patience de faire de l'ethnographie. Et tout ce que j'ai, c'est une certaine bonne capacité d'observation, peut-être, une certaine propension à être visité par les intuitions subites. Et le vice, comme vous voyez, de formule lapidaire aussi, c'est une chose qui me poursuit, que je n'arrive pas à me délivrer. En fait, pour paraphraser le maître de nous tous, les ethnologues et structuralistes, j'allais dire que je possède un esprit néolithique, c'est pas vrai, comme disait Lévi-Strauss, mais ce serait certainement, je possède une imagination analogique au mythique, au sens strict que lui donne Lévi-Strauss à la notion d'imagination mythique, quand il dit « le mythe c'est le régime, vous potière jalouse », le mythe, c'est le régime de toutes les fois qu'il se voit devant un problème, il passe immédiatement au régime de « c'est comme si, ça ressemble à… » Le mythe, c'est toujours, il ne fait que reformuler un problème dans le terme d'un autre problème, sans évidemment le résoudre. Mais tout ce qu'il fait, c'est associer des problèmes selon le régime de l'analogie. Et mon travail, ça a été surtout ça dans ce qui concerne les rapports entre philosophie et anthropologie, c'était de faire c'est comme dans ce sens-là, c'est-à-dire faire de la mythologie. C'est-à-dire ce travail de connecter les cosmologies et les mythologies amérindiennes au vocabulaire et au répertoire thématique philosophique occidental, en leur donnant un signifié cosmopolitique au sens propre du terme, c'est-à-dire passer de la cosmologie à la cosmopolitique, et en même temps aussi en insistant sur une certaine, prise de position symétrisante au contre-anthropologique, s'enracine dans ce démon de l'analogie que me poursuit. Ça ne veut pas dire, j'insiste, ce que je fais n'est pas le développement d'une thèse, je ne soutiens pas la thèse selon laquelle les Indiens ont une ontologie au fond de la philosophie, et je ne pense même pas que son activité spéculative, qui d'ailleurs est consubstantielle à la condition humaine, l'activité spéculative au sens le plus général, je ne pense même pas que son activité spéculative se fasse en cette pratique, comme Pedersen, en épigraphe du colloque, le pose, que les Indiens, que le sauvage, le primitif, je ne sais pas quel mot il utilise, les autres quoi, font leur spéculation dans la pratique, ou dans leur pratique. Faute de colle normale, faute d'écriture, faute de surplus économique, enfin pour plusieurs raisons, ils ne peuvent faire de la philosophie que en chassant ou en tissant ou en travaillant dans la plantation. Le concept pratique, c'est un concept que je l'ai dit tout de suite, qui n'est pas parmi mes conseils les plus estimés. Je pense que c'est un conseil magique que les théoriciens adorent, parce qu'il leur permet d'être un peu phénoménologue, un peu matérialiste, un peu majociste, et surtout un peu comme ils imaginent que ces Indiens le sont, c'est-à-dire très différents d'eux-mêmes. Tout en partageant évidemment les universaux cognitifs que Dieu nous a donnés tous. On va y revenir de toute façon. Alors bon, j'aimerais bien recommencer par deux textes, en citant, ou plutôt en évoquant, plutôt que si je ne veux pas les citer en extension, en évoquant deux textes que je pense expriment beaucoup mieux que moi. Que moi je l'ai fait dans mon livre Métaphysique Hannibale et dans mon œuvre, deux textes qui, à mon avis, expriment beaucoup mieux que moi tout ce que je voulais faire ou que je voulais avoir fait en anthropologie. C'est un texte, deux textes remarquables. Un, c'est de Gilda Salmon, que probablement vous connaissez tous, qui s'appelle De la délégation ontologique. C'est un texte présenté à Cérisy, dans un colloque de Cérisy, qui s'appelait Métaphysique comparée, Et l'autre texte, c'est un texte de Patrice, mon ami Patrice Maniglia qui est là, et qui s'appelle « La vérité des autres », si je traduis correctement l'anglais. « La vérité des autres », qui est aussi un texte absolument remarquable, antérieur au texte de Gilda Salmon, mais les deux ensemble me semblent cerner, disons, les questions qui m'intéressent, mon projet, mon idée de rapport possible entre l'anthropologie et la philosophie, et le sens de l'usage du mot ontologie par les anthropologues de dernière génération, ce que Gilda Salmon appelle la délégation ontologique, on va voir ce que c'est. Et de toute façon, j'aimerais bien commencer par évoquer ces deux textes-là. C'est une façon d'ailleurs un peu lâche de recruter deux garde-corps philosophiques pour me protéger dans ce séminaire-là. Deux garde-corps philosophes normaliens, pas très énormes, mais de toute façon, ce sont des gens qui peuvent me protéger. Et j'aimerais aussi remarquer que les deux, aussi bien Gildas que Patrice, sont des spécialistes d'un auteur qui m'a donné, juste de l'auteur qui m'a donné mes instruments fondamentaux de travail, c'est-à-dire Claude Lévi-Strauss, un anthropologue. Et je pense aussi, j'ai la vérité d'imaginer que aussi bien Patrice que Gildas, ils voyagent de conserve avec moi sur les choses qu'on a écrites ou qu'on écrit sur cet auteur et sur les conséquences, les implications du projet de l'anthropologie structurale et lévi-straussienne pour l'anthropologie au sens général et la philosophie au sens large du terme. Alors, je commence par un point que fait Gildas Salmon et qui me semble très important. Il dit que ce qui va caractériser ce qu'on appelle le tournant ontologique en anthropologie, qui est d'ailleurs contemporain du tournant de ce qu'on appelle aussi le tournant ontologique ou par des mots semblables en philosophie stricto sensu, il y a quand même une certaine synchronicité entre les usages, mais Gildas Salmon fait le point que le tournant ontologique en anthropologie a été la première réaction, la première alternative positive, le premier programme positif qui a été capable d'assimiler le noyau de la critique postmoderne à l'anthropologie. En particulier la critique du groupe de Writing Culture, Clifford, Marcus, etc. En particulier le problème cliffordien de James Clifford, de l'autorité ethnographique. L'idée que le tournant ontologique est en fait une façon de répondre aux défis posés par Clifford, quand il dit que l'autorité ethnographique est un coup joué par l'anthropologie contre les indigènes, pour mettre les choses de façon la plus simple, ce défi a été relevé par l'anthropologie. Je dois dire que les propositions positives du groupe de Writing Culture ne sont pas très, très émouvantes, mais la critique de Clifford elle a quand même pris, et elle a quand même marqué très profondément l'anthropologie, qui a passé par au moins une décennie d'un grand malaise, qui reste d'ailleurs aux États-Unis en pleine vigueur. C'est justement à cause de ça, je pense, que le tournant ontologique n'a pas encore pris aux États-Unis. Ce qu'on appelle le tournant ontologique, c'est une affaire d'anthropologues britanniques, danois, français, brésiliens, non nord-américains. Et ça, je pense, c'est parce que les Américains n'ont pas encore sorti, l'anthropologie américaine n'a pas encore pu sortir du coup de Writing Culture. Et la question de l'autorité ethnographique n'a pas été résolue d'une façon satisfaisante par eux. Par contre, Didas remarque que le tournant ontologique, c'est en fait le programme positif que réagit à cette critique. Et il nomme les gens qui l'ont fait. Il commence par, à mon avis, la première personne, le premier auteur qui l'a fait de façon consistante et robuste a été Marilyn Stratton, avec le Gender of the Gift, mais que d'autres l'ont suivi, comme Descola, moi, Latour, etc. C'est important de remarquer ces points-là, parce que le tournant ontologique, ou le renouveau métaphysique, comme des fois on l'appelle l'anthropologie, n'a rien à voir, au contraire de ce qu'on peut penser, avec les ambitions conquérantes de projets naturalistes du genre cognitivisme ou psychologie évolutionnaire. Il n'a pas consisté, au moins dans mon cas, en une entreprise théorique homogène, disons, à ses essais de faire une science de l'homme. Mais c'était au contraire un mode de résoudre positivement un problème pas du tout anthropologique, au sens de scientifique, mais un problème épistémologique et politique de comment confronter l'altérité humaine. Et non pas du tout comment produire l'unité humaine, produire scientifiquement l'universalité et l'unité humaine. Le problème, c'était un jeu de langage complètement différent. C'est-à-dire que ça n'était, disons, l'ennemi, l'autre du tournant ontologique n'est pas du tout le psychologue évolutionnaire, n'est pas du tout l'anthropologue cognitif, le psychologue cognitif, c'est le critique postmoderne qui dit que l'ethnologue, en fait, passe son temps à dire « je et à objectifier les natifs et à jouer dans... à faire un certain jeu pronominal qui est un jeu un peu louche et qu'il faut résoudre quand même cette question-là. Je pense que pour moi, au moins, l'animisme et le perspectivisme, ces deux mots qui, Descola et moi, entre nous deux, nous avons un peu popularisé, disons, n'ont jamais été pour moi une affaire ontologique en opposition à une affaire cognitive, mais le résultat d'une délégation ontologique en opposition à une réduction épistémologique de l'anthropologie. Gildas, d'ailleurs, fait un commentaire que j'ai trouvé, c'est un de rares lieux où je ne suis pas complètement d'accord avec lui. Il dit, bon, c'est intéressant de voir que, bon, d'abord, Lévi-Strauss avait déjà, c'est la raison, avait déjà commencé à mettre en question le rapport... ethnographe indien, en pluralisant l'altérité et en montrant comment, en fait, finalement, les cultures n'ont pas attendu les ethnologues pour faire de la comparaison, puisque les mythes, les mythologiques, les mythes, en fait, sont en fait des comparaisons en acte, in acto, des cultures entre elles, disait-il. Gildas. Mais il dit, mais c'est quand même curieux de remarquer que pour Lévi-Strauss, ces comparaisons, ces cultures, en fait, sont ouvertes et il n'y a pas de frontières, tandis que chez Descola et chez Eduardo, chez Villeros, ils ont plutôt tendance à penser en termes d'ontologie fermée. Dans le cas d'Eduardo, 2, dans le cas de Philippe, 4. C'est-à-dire, mais comme il s'agissait des objets beaucoup plus, avec des contours beaucoup plus marqués que dans le cas de ces réseaux, de ces rhizomes mythiques que Lévi-Strauss a tracés sur toute l'Amérique, où la culture s'entrecompare sans avoir à tracer de bornes, sans s'ontologiser dans ce sens-là. Je pense qu'il a raison, jusqu'à un certain point, surtout sur Descola, évidemment. Parce que le 4 de Philippe n'est pas mon 2 multiplié par 2. C'est-à-dire que la dualité qui est en jeu dans mon projet de confronter la pensée indigène d'Amazonie à la Vulgate métaphysique occidentale n'est pas du tout une entreprise du même genre que celle de Philippe, quand il en fait classifie, quand il en fait étale quatre modes de possibles d'ontologie, et que quatre modes possibles. Il n'y a pas de cinquième mode possible autant que je puisse imaginer. Tandis que dans mon cas, les deux acteurs en opposition pourraient avoir des identités complètement différentes. Pourraient être les Mongols, les Chinois, et les Mongols contre les Chinois, le Chinois contre le Français, les Amazoniens contre Descartes, ces Indiens-là. On pourrait faire plusieurs, comme ce jeu enfantin où on échange les têtes et les habits de personnes, on fait plusieurs compositions. Dans mon cas, ça serait plutôt comme ça. Donc, mon dualisme n'est pas un dualisme de substances, mais c'est un dualisme de combat, si vous voulez. C'est un dualisme polémique et non pas un dualisme classificatoire. Ce n'est pas un dualisme qui classifie le monde en deux types d'ontologie, mais comme Philippe fait avec ces quatre, du moins qu'on le voit, comme tel que voit son projet. Mais à part ça, et en plus, évidemment, le mot d'ontologie chez Philippe a un sens qu'il n'y a pas chez moi, parce qu'il l'utilise d'une façon beaucoup plus précise que moi, et avec un sens qui n'est pas le mien, je vais essayer de préciser dans quel sens je l'ai utilisé. Philippe, je vais essayer de résumer, de toute façon, je ne me sens pas autorisé à gloser comment Philippe entend le mot ontologie. Ça, c'est son problème, pas le mien. Mais je vais essayer de résoudre le mien au moins. De toute façon, je dirais que qu'est-ce que c'est que cette délégation ontologique dont parle Gilda Samon? C'est l'idée que on transfère l'autorité ethnographique, pour parler comme Clifford, aux acteurs eux-mêmes, pour utiliser une formule célèbre. Et il remarque que ça n'a pas arrivé qu'à l'ethnologie ou qu'aux anthropologues. En exemple typique, c'est Boltanski avec sa sociologie de la critique, par exemple. Donc cette idée d'une délégation ontologique, c'est beaucoup plus général que le tournant ontologique en ethnologie. C'est un mouvement politique, épistémopolitique, qui en fait essaye de faire que les acteurs puissent produire, qu'ils puissent parler d'eux-mêmes à partir de leur propre catégorie, et que leur discours soit mis dans un pied d'égalité avec les discours de l'analyste et de l'observateur. Gildas il dit, bon, voilà, Marilyn Sutton, par exemple, a fait ça avec ses Mélanésiens quand elle a déconstruit l'opposition fondatrice de l'anthropologie anglaise, c'est-à-dire l'opposition britannique, l'opposition individu-société, en donnant aux Mélanésiens, disons, le bâton, passant le bâton aux Mélanésiens et en demandant aux Mélanésiens, disons, mais qu'avez-vous à nous dire si on vous demandait qu'est-ce que c'est que l'individu et la société, qu'avez-vous à nous dire? Et alors, et comme ça, elle a parti sur l'individu, la personne divisée, la conception relationnelle de la société, l'absence de conception de société, etc., etc. Et jusqu'à certaines façons, Roy Wagner avait déjà fait ça avec l'autre opposition fondatrice, cette fois de l'anthropologie américaine, c'est-à-dire l'opposition nature-culture. À sa façon, il a aussi, disons, donné au Darby, le groupe chez lequel il travaillait, la tâche de définir ce qui passe, ce qui pourrait être traduit comme culture ou comme nature pour nous. Il montre comme sa traduction change tout. Quand on passe du discours de l'anthropologue, de la culture de l'anthropologue à la culture de Darby, on arrive à quelque chose de complètement différent. Descola aussi l'a fait à sa façon, c'est-à-dire à une façon très différente de celle de Wagner, mais il a fait la même chose, c'est-à-dire de redéfinir nature et culture d'après les critères qui ne sont pas les critères d'une seule ontologie, à savoir l'ontologie naturaliste, mais il a montré qu'il y a au moins quatre possibilités de recombiner ces deux domaines. Gildas ensuite, il fait référence, une référence qui m'a beaucoup frappé parce que je pense que c'était une coïncidence avec. Il dit que un texte, ça a été absolument central pour tous ces gens-là, ce que j'ignorais parce qu'il était central pour moi, mais je ne l'avais pas remarqué chez les autres tourneurs ontologiques, notamment le texte de Benveniste sur la personne, le système de pronoms personnels. Il dit qu'en fait, finalement, le défi de Clifford, c'était que le système de personnes, disons, utilisé par les discours épistémologiques et l'anthropologie, était un système biaisé, où l'Indien était dans la position du « il », c'est-à-dire de la non-personne. Il n'y avait pas de « tu » dans le discours, dont l'importance de ce mot dialogique, comment il commence à apparaître dans les années 80, parce que justement on voulait faire entrer dans le système pronominal de l'anthropologie le tu et même le je devait être plus explicité, et on connaît tous les anecdotes sur les anthropologues qui passent leur temps à parler d'eux-mêmes de postmoderne plutôt que des indiens sur lesquels ils travaillent, parce que précisément ils étaient hyper conscients du problème de dire je et comment est-ce qu'on peut dire je dans cette situation ou dans cette situation-là, etc. Je dis que ça m'a frappé parce que moi, j'ai utilisé directement le schéma de Benveniste d'une façon presque allégorique, mythique dans ce sens-là. C'est comme si, dans mon texte sur le perspectivisme amérindien, en essayant de redéfinir les concepts amazoniens de nature, de culture et de surnature, en fait, à partir précisément du jeu pronominal benvénitien, en redéfinissant la notion de culture amérindienne comme étant simplement la position purement déictique du prolongé, c'est-à-dire que culture c'est là où je me trouve, où je se trouve plutôt, c'est-à-dire là où on trouve un jeu possible. Là, on aura la culture. Et c'est justement ce que j'ai appelé ensuite le perspectivisme, c'est-à-dire le fait que toute entité du monde indien peut être conçue par les Indiens comme un jeu possible. Peut être conçue. C'est très important d'insister là-dessus parce que des fois, on interprète le perspectivisme comme s'il s'agissait d'une doctrine du genre théologique qui déclare toutes les entités du monde ont une âme, ont un point de vue, et on a une liste d'ailleurs avec toutes les entités, avec A de l'âme, ici, là, peut-être quelques-unes ne l'ont pas, etc. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, parce que les Indiens, précisément parce qu'ils ne sont pas philosophes, ne sont pas allés à l'école, n'ont pas cette idée d'un tout en extension, sur lesquels on puisse épiloguer. Donc, le dialogue typique qu'on a avec les Indiens que j'ai eu avec plusieurs de mes interlocuteurs, c'était toujours du genre, le type commence par dire, tu sais, tous les animaux sont des gens. C'est qu'il y a d'ailleurs une traduction que je fais horriblement bâclé parce qu'il n'y a pas de mot pour animal en général dans les langues amérindiennes que je connais. Il n'y a pas de copule être. L'être n'est pas un verbe utilisé comme copule. Donc, Jean, c'est un mot terriblement compliqué à traduire. Mais de toute façon, grosso modo, ce qu'il voulait dire, c'est ça, c'était que tous les animaux sont des gens. Alors j'ai dit tous, ils disent tous. Alors j'ai dit, les jaguars sont des gens, bien sûr. Les singes, mais bien sûr. Les fourmis, ah non, les fourmis non. Il dit, moi tu m'avais dit que tous les animaux sont des gens. Oui, tous les animaux, sauf les fourmis. Hein? Donc il dit, d'accord, okay. Et les tortues. Alors, sinon, les tortues ne sont pas déjà non plus. Alors, on commence à voir que c'est tout. Tous, ce quantificateur, ce n'est pas du tout un quantificateur, c'est plutôt une espèce de qualificateur, au sens de c'est un, tout animal. Mais en même temps, disons, cet alien qui m'a dit les fourmis ne sont pas des gens, les fourmis ne sont que des fourmis. Si par hasard, le jour suivant, il a une maladie, le chaman arrive et dit que l'esprit fourmi vient de l'envoyer en maladie en tel et tel, il va me dire le jour suivant, vous savez, je m'étais trompé. En fait, les fourmis sont des gens, et des gens méchants en plus. Et, c'est-à-dire que c'est l'expérience qui définit, c'est l'expérience accumulée, c'est l'histoire finalement qui décide de ces attributions. Ce n'est pas du tout un tableau classificatoire à la lignée où machin est Jean, machin n'est pas les gens. Il y a, par exemple, il y a ces mythes que je cite toujours, que j'aime beaucoup, qui commencent avec la phrase « Au début, il n'y avait rien, il y avait déjà des personnes. » C'est une idée que nous avons dit, que le monde a commencé, il n'y avait rien dans le monde, excepté les gens. C'est le contraire de notre cosmogonie, où il y avait d'abord tout sauf nous, nous sommes les derniers venus, au sixième jour, etc. Pour eux, c'est le contraire. Au début, il n'y avait rien sauf les personnes. Mais il y a une version de ces mythes racontée par un peuple de l'autre côté de l'Amazonie, d'ailleurs, qui commence comme ça. Au début, quand le ciel et la terre étaient très proches l'un de l'autre, il n'y avait rien, il n'y avait que deux personnes et les tortues. Encore une fois. C'est-à-dire, pourquoi les tortues? Pourquoi est-ce que les tortues n'étaient pas de personnes? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait que de tortues et de personnes et non pas de personnes et de fourmis ou de personnes et de... Voilà, parce que il faut, c'est comme ça. C'est-à-dire que, de toute façon, l'idée c'était que toute entité de l'univers pourrait être pensée comme pensante, pourrait être pensée comme un pôle de énonciation, comme un jet, comme quelqu'un, comme un jet potentiel, comme je disais. Et donc, j'ai dit, bon, ça c'est ça la culture pour les Indiens. La culture, c'est à cause de ça que tout animal qui se pense comme personne, qui se voit comme, qui peut dire j'ai, se voit comme étant humain, comme étant dans la culture, comme ayant les mêmes habitudes que nous, comme ayant les mêmes habits que nous, la même nourriture que nous, etc. Parce que la culture n'est qu'en fait qu'un pronom. La culture, c'est le pronom je, c'est un pronom personnel. Et tout ce qui va avec. Réciproquement, j'ai essayé de définir ce que nous appelons la nature comme quelque chose qui ne se montre qu'au regard de l'altérité, c'est-à-dire que la nature appartient au régime du « il », précisément, de la non-personne. Et ça, j'ai rattaché la culture et le « j'ai » à l'âme, au fait que les Indiens disent que tous ces animaux qui sont des gens ont une âme humaine, parce que toute âme est de forme humaine, a de dispositions, de caractéristiques, d'attributs de type humanoïde, tandis que tout animal se voit physiquement comme un être humain, mais voit les autres comme nous le voyons d'ailleurs, comme des bêtes, comme des animaux. Et le corps animal est la forme même du il, c'est-à-dire il n'y a que c'est la forme de la troisième personne, la forme de la nature. Il restait donc évidemment la tierce possibilité qui était que va-t-on faire du tu, ce pronom si valorisé par le postmoderne, le dialogisme, la polyphonie, etc. Et moi je me suis imaginé que ce pronom en fait jouait à l'inverse. Tu, c'est le pronom, c'est un pronom qui appartient non, ni à la nature ni à la culture, mais c'est le pronom qui instaure le régime du surnaturel chez les Indiens. C'est-à-dire que c'est le pronom qui C'est le cas typique, c'est le cas classique du surnaturel, de l'émergence du surnaturel dans le monde indien. C'est quand tu es en train de chasser seul dans la forêt et tu vois un animal qui te interpelle, au sens althusserien du terme, il t'interpelle et c'est, il t'appelle, il te dit tu, et si tu réponds, t'as perdu. Parce que ça signifie que tu reconnais à cet interlocuteur la qualité de jeu, d'être humain, et donc sa perspective, tu reconnais sa perspective comme la perspective dominante, et tu deviens sa deuxième personne, au sens littéral du terme. C'est-à-dire tu deviens le tu d'un autre. Et donc le tu, c'est l'instaurateur du régime de la surnature, qui a évidemment aussi des connotations politiques évidentes, parce que se rencontre dans la forêt que les Indiens, tout Indien aime raconter ces histoires de j'étais seul dans la forêt, et alors il y avait un cerf qui a passé, je l'ai fléché, il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi tu m'as fléché, moi je t'ai rien fait, et alors d'un coup tu te prends dans une frayeur terrible parce que tu te rends compte que ça n'était pas du tout un cerf, c'était un esprit cannibale qui voulait te bouffer, quelque chose comme ça. Et ça m'a fait toujours penser, le genre d'expérience de terreur, de panique métaphysique que les Indiens ressentaient dans ces situations, c'était comment qu'ils rentraient chez eux et tombaient malades. Des fois, ils mouraient parce qu'ils avaient perdu leur âme. Leur âme avait été volée par ces esprits. Tout parce qu'ils ont, tout ça parce qu'ils avaient, ils avaient répondu à un tu qui avait été adressé par cette altérité surnaturelle. Ça me fait toujours penser aux célèbres affiches de Uncle Sam, I want you, en pointant le doigt comme ça. C'est-à-dire que je voyais cette situation d'un Indien qui confronte un esprit plus puissant que lui et qu'il accepte de répondre à son interpellation comme une espèce de prototype, si vous voulez, de l'État, sorte d'État en état naissant. C'est pas par hasard que c'est presque toujours les jaguars qui font ça, qui font cet rapport qui tutoie les humains. Et ce n'est pas par hasard non plus que les jaguars sont des symboles impériaux dans toute l'Amérique indienne. C'est-à-dire que ce sont des symboles de l'État. Et donc je voyais dans ce jeu pronominal-là une sorte de redéfinition de nature, culture et de surnature, une redéfinition par délégation ontologique, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, ce n'est pas du tout qu'est-ce que c'était que la nature et la culture des Arabes étaient, mais qu'est-ce que c'était la nature et la culture possible, c'est-à-dire comment pourrait-on imaginer la réponse que donnerait un Indien à la question de qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est que la culture, de votre point de vue. C'était un peu ça que en fait je pense que mon usage de ce schéma de bandiniste a été en fait un usage récursif, au sens que non seulement je me suis inspiré du problème pronominal tel que Gilles Salmon identifie comme étant un problème posé par les postmodernes, mais j'ai utilisé directement comme étant une façon de résoudre ce problème en appliquant le schéma de Benveniste sur la cosmologie des Arabes. Cet usage analogique, évidemment, de schéma de Benveniste n'a pas été un usage scientifique, entre guillemets, au sens que ce n'était pas du tout un usage linguistique. Je ne fais pas des analyses linguistiques pour savoir quelle était la métapragmatique des Arabes, quelle était la façon de dialogue cérémoniel, etc. Ce n'était pas du tout ça. C'était un usage purement analogique, quitte à que quelqu'un d'autre plus compétent que moi puisse voir si ça peut se reproduire, ça peut s'identifier dans des exemples de discours concrets, réels, des Indiens. Maintenant, j'ai un étudiant qui est là-bas, qui fait le boulot que je n'ai pas été capable de faire. Mais de toute façon, je pense que ça n'a pas un rapport, ça n'aura pas un rapport direct avec ça, parce que mon usage était purement, comme j'ai dit, mythologique ou analogique. Et elle répondait à cette question épistémopolitique qui était la question de l'autorité de l'observateur qui a été posée par le nom moderne. À mon avis, je pense que la grande contribution de la critique postmoderniste de Clifford et compagnie a été de montrer que ce n'est pas la théorie, mais c'est l'épistémologie qui est le lieu crucial de la politique en anthropologie. Et à mon avis, ça a été une contribution importante. Et ma procédure a été la plus simple possible. C'est la, comment on dit en anglais, rule of thumb, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais la règle que j'utilise comme ça, c'est toutes les fois que j'ai une question compliquée, philosophique, compliquée, devant moi, une question de fondement de l'anthropologie, question de l'essence de la nature versus la culture, la question des universaux cognitifs, la question de... Toutes les fois qu'on me pose de ces genres de questions fondatrices, disons, de notre profession, ma stratégie a toujours été de dire « demandons aux Indiens ce qu'ils en pensent ». C'est-à-dire, non pas directement, évidemment, parce que, mais disons, la stratégie de résoudre ces questions ou d'adresser ces questions, c'est de faire comme si on le reposait aux Indiens, aux acteurs eux-mêmes, pour voir comment ils s'en sortaient. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas aux universaux cognitifs moi-même. Je veux savoir ce que les Indiens disent à ce propos. C'est ça qui m'intéresse. Je ne m'intéresse pas à s'il y a effectivement, si la culture est ou non un objet dans le monde. J'ai évidemment mes opinions là-dedans, mais ce qui m'intéresse en tant qu'ethnologue, c'est de savoir ce qu'en pensent les gens avec lesquels je travaille. Donc, et évidemment, la question qui a guidé ce travail sur le perspectivisme, sur l'animisme, etc., c'était la question fondatrice de l'anthropologie, à mon avis, pour nous, du moins nous qui ont hérité de Lévi-Strauss leur anthropologie, qui est la question du rapport entre nature et culture, justement. On aurait pu prendre la question anglaise, individu-société, par exemple, mais parce que Lévi-Strauss est avant tout un anthropologue américain, comme vous savez, formé par Boas et par toute l'école américaine, en fait, allemande, toto-américaine, il a choisi la nature-culture comme étant son problème, son point de départ. Et dans ce sens-là, ça c'était la question qui m'avait guidé. Je suis parti sur le terrain pour savoir ce que les Indiens en pensaient de cette célèbre opposition nature-culture. De cette théorie du perspectivisme amérindien, j'ai cherché à tirer des conséquences méthodologiques, théoriques et forcément métathéoriques qui ont, disons, débouché sur un programme que j'appellerais aujourd'hui anarchisme ontologique, si vous voulez. Il y a des gens qui préfèrent parler de pluralisme, je sais. Pluralisme, c'est un mot plus bien élevé, plus bien rangé. Mais je préfère parler d'anarchisme ontologique qui n'a pas grand-chose à voir avec l'anarchisme politique, parce que d'abord, il est beaucoup plus puissant que l'anarchisme politique. L'anarchisme politique n'est qu'un cas faible de l'anarchisme ontologique, et que j'appellerais aujourd'hui anarchisme ontologique et ou comparatisme métaphysique, cette fois m'inspirant en Patrice Maniglier, qui a écrit ce texte magnifique sur l'anthropologie comme métaphysique comparative et vice versa, et l'anthropologie comme étant... Et je ne suis pas sûr que Patrice a dit ça, mais j'ai l'impression qu'il a dit quelque part, peut-être que non, c'est trop posé, mais j'espère que si, que l'anthropologie pourrait jouer dans ce siècle le même rôle que la physique a joué dans l'âge moderne, c'est-à-dire le rôle de modèle épistémologique. Peut-être que ce rôle qu'elle continue de jouer d'ailleurs pour nous, la physique c'est le modèle de la connaissance scientifique, il n'y a aucune raison pour qu'elle continue d'être à servir de modèle. Et Patrice a avancé, si je ne me trompe pas, la suggestion que je trouve absolument séduisante, que l'anthropologie, en tant que connaissance comparative, pourrait servir de modèle dans ce nouveau monde où nous sommes tous aujourd'hui, un monde complètement changé par rapport au monde du XVIIe siècle, en termes sociopolitiques, en termes ontologiques, en tout le terme, grâce aussi à la physique, entre autres choses. Alors, le premier point de ce programme d'anarchisme ontologique consiste dans la délégation du métalangage analytique aux acteurs eux-mêmes, ce qu'ont fait plusieurs de mes collègues, Pernice Platon, Peter Skafish, Gilda Salmon, Bruno Latour, c'est-à-dire qu'on transfère le métalangage analytique aux acteurs. Et comparer, ça commence à vouloir dire, dans ce cas-là, comparer la métalangage de départ et la métalangage d'arrivée de l'analyse. C'est un peu ce que fait Latour, je crois. Et c'est ça que j'entendais quand je parlais de... J'ai prononcé cette formule qui m'a... On m'a foudroyé plusieurs fois. Plusieurs dieux m'ont foudroyé à cause de cette formule où je disais que la tâche de l'anthropologie, c'était celle de la décolonisation permanente de la pensée. Formule absolument bombastique, comme disent les Anglais, mais qui est aussi l'autre formule encore plus scandaleuse, qui était celle de qui disait que l'anthropologie c'était la science de l'autodétermination ontologique des peuples. C'est qui a été pris dans un sens à contresens d'ailleurs par un collègue, Matt Kandéa, qui a ontologisé l'ontologie et a compris que cet appel à autodétermination ontologique des peuples, ça voulait dire que les peuples sont des entités, le peuple en tant que tel, ontologiquement robustes. C'est Blut und Boden, quoi. Le peuple sont de... C'est autodétermination ontologique ne veut pas dire... Il a pris les génitifs... objectif, paragénitif, subjectif ou vice-versa, je confonds toujours les deux. De toute façon, ça n'était pas du tout une autodétermination ontologique des peuples, mais par le peuple. C'est complètement différent. Mais donc, il y a toujours ce problème avec les prépositions en français et en portugais d'ailleurs, parce que les génitifs subjectifs et objectifs, ça glisse et ça produit toutes sortes d'équivoques. Et donc, l'autodétermination ontologique de peuple voulait simplement dire qu'il fallait rendre l'ontologie au peuple et non pas rendre le peuple à l'ontologie. C'était ça la question, c'est-à-dire de rendre au sens de devolver en portugais, pour rendre l'ontologie au peuple plutôt que d'ontologiser le peuple, de transformer le peuple dans des entités brutes, solides, etc. La décolonisation permanente de la pensée, on va parler de ça dans le table ronde, je crois. Ça, c'était une façon de d'abord montrer que la politique ne finit pas avec l'émancipation politique, que changer de mode de pensée, c'est encore plus difficile que changer de mode de gouvernement, que l'indépendance mentale est encore plus difficile que l'indépendance politique. Et donc la décolonisation de la pensée était une tâche qui nous incombait à tous, voulant dire et l'observateur et l'observé, et le natif et l'indigène et l'anthropologue, et surtout qu'elle devait être permanente au sens trotskiste du terme, évidemment. C'était une provocation en plus. Alors, notre notion qui allait dans ce programme d'anarchisme ontologique, c'est une notion aussi qui a provoqué pas mal de malentendus, c'était la notion de prendre au sérieux ce que les gens disent. Je disais quelque part que l'essentiel, c'était quand les Indiens, quand l'indigène te raconte quelque histoire, toute la question se réduit à comment prendre au sérieux ce qu'ils disent. Et ça a commencé avec... j'ai pris cette notion comme un motto, quoi. À cause d'une phrase de Rorty, le philosophe, qui m'a énormément agacé, et que j'avais tombé par hasard dans un livre, une discussion qu'il a eue avec Gertz, l'anthropologue. Et à un moment donné, il dit, il commet la phrase suivante. Pour nous intellectuels libéraux occidentaux, il y a énormément de choses que nous ne pouvons plus prendre au sérieux. Ça, c'est un fait. Pour nous, intellectuels libéraux occidentaux, il y a énormément de choses qu'on simplement ne peut pas plus prendre au sérieux. Et là, je dis, tiens, ça c'est une définition à l'inverse de l'anthropologie. Complète. C'est, si on inverse tous les termes, on arrive à une définition de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est précisément l'art de prendre au sérieux ce que les intellectuels libéraux occidentaux simplement ne peuvent pas prendre au sérieux. Et bon, voilà toute la différence entre un philosophe libéral occidental américain et l'anthropologie. C'est l'art de comment prendre au sérieux ce qu'on ne peut pas prendre, on ne peut simplement plus prendre au sérieux. Que faut-il faire pour prendre au sérieux? Ça, c'est une notion que j'ai beaucoup utilisée, j'ai épilogué là-dessus, notamment dans un article qui a été récemment traduit en anglais par cette revue online qui s'appelle How, revue d'anthropologie anglaise, un article qui s'appelle le Relative Native, le natif relatif. Mais c'est une notion qui était d'ailleurs en circulation il y a très longtemps, il faut le dire. Pierre Clastres l'a utilisé d'une façon, avec une intention clairement politique d'ailleurs, où il disait, je cite, je traduis du portugais parce que je n'ai pas rencontré chez moi la version française, je retraduis le français, enfin bon. Vous allez comprendre la leçon générale. Il dit, en d'autres mots, on ne projette plus, il y a une ironie là dans la façon de l'exprimer, il dit, en d'autres mots, on ne projette plus sur les sociétés primitives le regard curieux ou amusé de l'amateur, plus ou moins éclairé, et plus ou moins humaniste. Au contraire, maintenant, les sociétés primitives sont prises d'une certaine façon au sérieux. Toute la question, c'est de savoir jusqu'où va ce sérieux. Point. Voilà, c'est une belle façon de poser le problème. Et ça, ça a été écrit il y a 40 ans, 50 ans. Elle a été reposée à nouveau récemment par Philippe Pignard et Isabelle Stenger dans leur livre « La sorcellerie capitaliste ». Dans un passage très fort que je vais aussi faire la même chose, retraduire du portugais, je n'ai pas trouvé l'original. Alors elle dit, ils disent nous avons l'habitude de déplorer le dégât fait par la colonisation et les confessions de culpabilité, les aveux de culpabilité ont devenu routiniers chez nous, devenus communs. Mais il nous manque encore le sentiment d'effroi devant cette idée que non seulement une fois nous nous sommes conçus comme étant la tête pensante de l'humanité, mais, et ça avec les meilleures intentions du monde, nous continuons à le faire. C'est-à-dire que l'horreur commence, elles disent, quand nous rendons compte que malgré toute notre tolérance, tous nos remords, toute notre culpabilité, après tout, nous n'avons pas changé tant que ça. C'est-à-dire que nous continuons de nous prendre comme la tête pensante de l'humanité, c'est-à-dire que nous continuons de ne pas prendre les autres au sérieux. Et donc, et finalement, la dernière version de cette expression « prendre au sérieux l'autre », c'est évidemment le thème latourien, c'est crucial chez lui, de plus en plus, de comment bien parler aux autres. Comment bien parler aux autres de quels on parle. C'est-à-dire comment bien parler aux scientifiques. C'était ça le problème de Latour. Il s'est rendu compte que les scientifiques n'avaient pas du tout aimé la façon dont Latour les avait décrits dans leurs livres. Donc il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur fondamentale. C'est-à-dire que si la version que je donne de l'activité scientifique met les scientifiques dans un tel rage, je me suis trompé. Non pas sur le contenu nécessairement, mais je me suis trompé probablement d'une façon encore plus fondamentale. Je me suis trompé dans la façon de parler à eux sur ce qu'ils font. Et alors, toute sa question, c'est de comment bien parler aux autres. Une question qui devient de plus en plus importante dans la mesure où la nécessité de parler aux autres devient de plus en plus évidente dans un monde où l'Europe a perdu son hégémonie. Pour dire ça de la façon la plus simple possible. C'est-à-dire que bien parler aux autres, c'est une question de diplomatie et non pas de charité. C'est-à-dire qu'on parle bien aux autres par diplomatie, c'est une question de diplomatie, ce n'est pas du tout une question de pitié ou de charité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de comment bien parler des autres, parler vrai et mettre des vérités scientifiques sur les autres, mais comment bien parler aux autres, leur présenter une image de ce qu'ils font, c'est-à-dire au moins de ce que nous sommes capables, nous, de percevoir de ce qu'ils font et de ce qu'ils pensent, de leur présenter une image de ce qu'ils font, où ils puissent non pas tellement se reconnaître, mais au moins ne pas y voir une image défigurée d'eux-mêmes. Et pour ce qui est de se reconnaître, je reste encore une fois avec le mot de Patrice que j'aime beaucoup, où il définit l'anthropologie en disant qu'une véritable anthropologie nous renvoie de nous-mêmes une image où nous ne nous reconnaissons pas. C'est en fait exactement le négatif, c'est la même chose à l'inverse. Comment bien parler aux autres et comment nous renvoyer une image de nous-mêmes où nous ne nous reconnaissons pas. C'est toujours une question de prendre au sérieux, de ne pas se prendre au sérieux, et de prendre les autres au sérieux, et vice-versa, etc. Ces mots de se prendre au sérieux a été récemment critiqué, disons, par un collègue, Rane Willerslev, en danois, anthropologue danois sibérianiste, que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, qui a écrit un article qui dit, dont le titre est Not taking so seriously, ou ne prenant pas trop au sérieux, ou quelque chose comme ça. Et grosso modo, c'est l'idée que ces Indiens, à lui, finalement, rigolaient beaucoup des esprits, faisaient de l'humour avec ces esprits, qu'ils ne prenaient pas tellement au sérieux les esprits, etc. Et que partant, ce n'est pas le cas de nous, les ethnologues, de faire de grands cas de ces esprits et prendre ça trop au sérieux. Évidemment, ça m'a plu que ça a été un Brésilien, c'est-à-dire quelqu'un venant du pays de la gaieté, du samba, etc., qui prenait les choses au sérieux, et que c'était un Danois, un Hamletien, venant d'un pays de l'ombre et qui disait qu'il ne fallait pas trop prendre les choses trop au sérieux. Je trouvais ça quand même amusant comme chiasme. Mais ceci dit, le problème ce n'est pas que les Indiens prennent les esprits au sérieux ou pas. Évidemment qu'ils rigolent. D'ailleurs, Classe, encore une fois, a écrit un article qui s'appelle « De quoi rient les Indiens ?» Et les Indiens rient, entre autres choses, précisément des esprits. Donc, le problème n'est pas de le prendre au sérieux dans ce sens-là. Ça, c'est un littéralisme un peu danois. cette interprétation du prendre au sérieux ne veut pas dire être effrayé par les choses. Prendre au sérieux, c'est simplement prêter attention à ce que les gens disent, essayer de voir ce qu'ils veulent dire. C'est tout. Et évidemment, rire des esprits est une activité salutaire, pratiquée par tout le peuple du monde. Mais de toute façon, d'abord, il faut se demander pourquoi ils ont inventé ces entités imaginaires d'abord. Pour rire, pas seulement pour rire, on s'imagine. Parce que des fois, ils ne rient pas du tout. La question qui se pose avant de se poser la question de s'ils rient ou pas des esprits, c'est pourquoi ils ont inventé d'abord. Alors. Je vous laisse un peu de temps en question. 5 minutes. Okay. Très bien. Alors. Mon recours au mot ontologie dans mon travail a un sens très précis et très petit, très modeste. Il est apparu dans mon texte, pour la première fois que je me rappelle. En fait, les mots étaient dans l'air quand je commençais à parler d'ontologie, déjà longtemps. Des gens qui n'avaient rien à voir avec mon travail parlaient largement d'ontologie, par exemple, une Marie Moll. Qui faisait le travail de STS, de Science and Technology Studies, parlait d'ontologie déjà, pour ne rien dire de la tour, évidemment, pour ne rien dire surtout d'un texte archi-classique d'un grand ethnologue américain, Hallowell, qui a écrit un article phare qui s'appelle Ojibwa Ontology and Worldview. Et donc, ce n'était pas du tout un terme scandaleux qu'on avait introduit récemment, etc. Mais moi, j'ai introduit ces termes pour une raison absolument simple. C'était que le terme, c'était pour bloquer le manœuvre qu'on connaissait et que Wagner a décrit de façon magistrale, qui était de réduire la pensée de l'autre à une simple gnosiologie, à une simple ensemble de représentations, à une façon de voir le monde, à une vision du monde, justement. Tandis que de notre côté, disait Wagner disait quelque chose du genre, il y a un jeu inégal entre l'anthropologue et l'indigène, parce que l'anthropologue arrive avec deux joueurs dans le jeu, sa culture et sa nature, et l'indigène arrive qu'avec sa culture. Parce que nature, il n'y a qu'une seule, c'est la mienne. Donc, il y a deux cultures pour une seule nature. Et il se trouve que cette nature, c'est la mienne, comme par hasard. Donc, l'indigène va forcément perdre le jeu, puisque le jeu est inégal. Il faut, si on veut faire la vraie anthropologie, dit-il, il faut le même nombre de joueurs de deux côtés. Il faut qu'on redonne à l'indigène sa nature. La nature que correspond à sa culture, tout comme nous avons une nature que correspond à notre culture à nous. On voit, il y avait, ça c'est la situation classique du relativisme anthropologique, du culturalisme, l'anthropologie, enfin, normal. Nous savons tous que nous avons une culture. Les autres aussi, mais la nature est une seule, celle qui est telle qu'elle est décrite par notre culture à nous-mêmes. Et donc le natif reste celle avec sa pauvre culture qui est forcément imparfaite parce qu'elle n'a pas été faite pour décrire notre nature. Donc elle est forcément imparfaite parce que lui manque énormément de choses parce que on essaie de. C'est une côte mal taillée dans ce cas-là. Mais il y a aussi les cas. Envers, ce qui est aussi intéressant et que Wagner n'a pas repéré, c'est que des fois, par exemple, surtout chez les psychologues, les gens d'inclination de persuasion cognitiviste, ce qu'on trouve, c'est un peu le contraire. Nous arrivons avec notre culture et notre nature, et de l'autre côté, il n'y a que la nature cognitive de l'Indien. C'est-à-dire que nous avons 2000 ans d'histoire et le cerveau. De l'autre côté, il n'y a que le cerveau. C'est-à-dire que nous avons Kant et Heidegger. Pour expliquer Kant, Heidegger, Marx, Platon, Aristote et tout ça, entre tout ça et les universaux cognitifs, il y a quand même des mille ans d'histoire qu'il faut décortiquer, etc. Tandis que le chamanisme algonquin, le rituel bororo, les esprits ojibwa, tout ça, c'est à 2 mm du métabolisme basal de la cognition humaine. Donc, c'est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus accessible de faire une description cognitive de ce que pensent les enfants chez les Igbo que de faire une description cognitive de la critique de la raison pure, après tout, non? Je pense. Enfin, j'ai l'impression. Et donc, mon recours à l'ancienne odontologie, c'était simplement pour dire... Nous entrons dans le jeu avec une ontologie et une épistémologie. Épistémologie au sens anglais du terme, c'est-à-dire un mode de connaissance, non pas une théorie de la science, mais un mode de connaissance, une vision du monde. Tandis que les Indiens n'ont qu'une épistémologie. Donc il faut redonner aux Indiens leur ontologie, c'est-à-dire l'ontologie qui correspond à leur épistémologie. C'était un peu ça l'idée. C'est-à-dire le mot ontologie, c'était un mot utilisé simplement pour bloquer la réduction de la pensée amérindienne à une épistémologie. Ce qui d'ailleurs était aussi le cas chez nous, les modernes, qui ont converti toutes les questions ontologiques du bon vieux Moyen-Âge en des questions épistémologiques. Comment peut-on connaître, etc., etc., etc. Et la conversion des questions ontologiques en des questions épistémologiques a été quand même un mouvement fondamental pour l'instauration de la pensée moderne. Et le retour de l'ontologie, à mon avis, est aussi quelque chose qu'on peut constater chez nous. Je vais dire, non pas simplement chez les anthropologues qui parlent des ontologies des Indiens, des primitifs, etc., mais chez nous aussi, où nous avons le sentiment d'avoir perdu le monde, et il faut le récupérer. Et nous avons perdu le monde grâce à nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est notre faute à nous qui nous a fait perdre le monde. Et je suis absolument convaincu que tous ces mouvements de matérialisme spéculatif, réalisme spéculatif, de retour aux choses, de parler des choses mêmes, de briser la corrélation entre la pensée et l'être, etc., à mon avis, ça sort d'un contexte, même si ce n'est pas motivé d'une façon explicite, mais ça se développe dans un contexte où le monde est en train d'être le problème. Si on imagine les trois idées fondamentales que Kant disait, que les trois idées de la raison, Dieu, l'âme et le monde, non ? On voit trois morts successives. D'abord, Dieu est mort. Ensuite, l'homme, comme tout le monde le sait. Foucault, là, etc., Nietzsche, Foucault. Et maintenant, c'est le monde qui finit. Donc, on pouvait vivre sans Dieu. On pouvait vivre sans l'homme comme lieutenant de Dieu. Mais maintenant, le problème, c'est que comment peut-on vivre sans monde ou pas ? Et à mon avis, cette question, c'est la question qui est derrière... toutes ces spéculations sur le monde sans nous, le monde, l'archifossile, le monde enfin, complètement séparé de la pensée, le monde complètement indépendant de la pensée. Et j'ai remarqué ça dans le dernier séminaire, pour Agis, je vais finir là. Comment... il y a un mot qui revient dans le texte de matérialisme spéculatif que je trouve quand même un mot tout de même symptomatique, c'est le mot mort pour décrire le monde. Le monde est mort, la matière est morte. Il faut tuer l'être pour pouvoir l'affirmer, disons. C'est une intéressant comme, comme possibilité. Il faut dire que l'être est mort pour dire que l'être est. Dans ce qui me concerne, je pense que c'est une règle de catégorie, parce que morte, la mort est une catégorie qui dépend de... Il faut être vivant pour être mort d'abord. Il faut être d'abord vivant pour être, un cadavre, quelque chose de mort. Mais cette bouteille n'est pas morte, parce qu'elle n'a jamais été vivante. Donc l'usage du mot mort me semble être un signe d'une sorte d'anthropocentrisme résiduel, exactement là où on veut se délivrer de cet anthropocentrisme, en niant la nécessité de la corrélation entre l'anthropos et l'être. Mais bon, je crois que je vais m'arrêter là, sinon on ne finirait jamais. Et je suis encore à la moitié de mes 13 pages. Hein. Donc du coup, on va prendre des questions. Comme il est un peu tard, peut-être des questions pas trop longues, pour que tout le monde puisse avoir le temps de parler, si beaucoup de gens ont des choses à dire. Voilà. Oui. Oui, je voulais poser une question sur le préjugé qu'on a quand on dit que chez nous c'est la culture et chez eux c'est la nature, c'est-à-dire c'est la pensée pure, sans histoire, et donc on peut les trouver les universaux cognitifs. Est-ce que c'est pas seulement ça qui en disant pousse l'anthropologue à chercher chez les indigènes, les universaux cognitifs, c'est plutôt la distance, et donc c'est plutôt la comparaison qui est importante pour l'anthropologue qui cherche les universaux cognitifs chez les indigènes, parce qu'ils sont plus différents que nous. C'est pas qu'ils n'ont pas d'histoire, c'est qu'ils ont une histoire plus différente que la nôtre, donc entre les différences si évidentes, les universaux sont aussi plus manifestes. Voilà. Oui, jusqu'à certain point, vous avez raison, je crois. C'est-à-dire, leur histoire, c'est un peu ce que Lévi-Strauss disait dans Race Histoire, les histoires semblent immobiles, puisque les trains passent dans directions différentes, donc on a l'impression que chez eux, rien ne se passe, tandis que chez nous, on a l'impression que l'histoire est très mouvante, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer que je vois une certaine symétrie entre la première situation, celle que Wagner décrit, en disant les Indiens n'ont que de la culture, c'est-à-dire des idées bizarres, et nous avons et des idées bizarres et des idées non bizarres, et le cas opposé où on va chez des gens qui soient différents dans le sens où on peut, disons, immobiliser leur histoire, immobiliser au sens presque du laboratoire, au sens de faire comme on presse dans une lame, on peut le geler leur histoire pour qu'on puisse voir les propriétés universelles plus clairement. Mais quand on regarde les recherches cognitivistes qui ont été faites, et je ne pense ça, ce n'est pas une accusation, hein, pour le dire, c'est un constat, et c'est un constat contingent, hypothétique, mais j'ai l'impression que les plus primitifs, le peuple, le meilleur pour le chercheur. C'est presque une règle de, comment dire, c'est comme exactement comme faisaient les anthropologues de tout le temps d'ailleurs. On cherchait toujours les plus primitifs parce qu'on estimait qu'ils seraient des représentants plus purs, quoi, de la nature humaine, finalement. Depuis Taylor, depuis Fraser, depuis tout le monde, on cherchait toujours la tribu isolée où finalement on va trouver l'essence de l'homme. Et donc, je pense que dans le cas des recherches cognitivistes, il reste ça, comme une espèce de réflexe, quoi. Et ça m'étonne parce que ça d'un côté. De l'autre, c'est que je ne sais pas si vous êtes d'accord, s'il y a quelque chose qui me gêne, c'est pas, gêner, c'est pas exactement le mot. Il y a, parce qu'il y a, d'abord, je pense qu'il y a une, c'est à cause de ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait que le vrai issue, le vrai problème du soi-disant tournant ontologique n'était pas du tout les ontologies naturalistes, les recherches de sciences cognitives, mais le défi politique épistémologique posé par le postmoderne. C'est-à-dire que c'est un autre jeu de langage qui était enfin, qui se jouait. Et des fois, je vois quand les gens qui ont qui sont d'une persuasion plus cognitiviste, plus naturaliste, se mettent à discuter avec les gens qui sont en train de résoudre de ces genres de problèmes épistémopolitiques. C'est comme s'il s'agissait de deux jeux complètement différents, mais jeux tellement différents comme, par exemple, comme si moi je jouais du saxophone et vous jouez du baseball. C'est-à-dire, c'est même pas les mêmes notions, c'est même pas les mêmes mots. Jeu ne signifie pas la même chose dans les deux cas. Ce sont deux jeux tellement différents que la notion de jeu n'est même pas la même. Évidemment qu'une clarinette et un bâton de baseball, on peut... C'est pareil, quoi, mais pas complètement pareil. Et donc, je pense qu'il faut être absolument clair là-dessus, sinon on s'expose à toutes sortes d'équivoques, du genre, vous n'êtes pas scientifique, vous êtes en réductionniste, éliminativiste, etc., qui dérivent des programmes de recherche complètement hétérogènes. Ceci dit, comme je disais, je ne peux pas m'empêcher de ressentir un certain malaise dans le fait que on va très loin pour trouver des choses qui, en fait, celles sont des universaux, sont chez les voisins d'à côté. Ce n'est pas que je trouve. Je dis pourquoi est-ce que. Mais, enfin, il y a quelque chose qui m'échappe là-dessus. Pourquoi aller enfin, à l'autre bout du monde si on peut faire la même dispositif expérimental chez en fait, ses collègues, de classe, de quartier, de ville, etc. Alors là, je vois bien l'intérêt de déterminer des universaux cognitifs et humains et sinon primatologique, sinon mammifère, il y a plusieurs niveaux d'universalité, évidemment. Il y a des choses qui sont humaines, il y a des choses qui sont primates, des choses qui sont mammifères, des choses qui sont animales, et des choses qui sont matérielles. Donc les universaux sont... Enfin, il y a des universaux à tout niveau. Et le programme de trouver des universaux cognitifs humains, à mon avis, est un programme, entre autres, de trouver des universaux cognitifs. Et la question, c'est de savoir, maintenant, par exemple, mon sentiment personnel aujourd'hui, c'est que, disons, l'humanité, ne passe pas par son moment le plus brillant de son histoire, n'est-ce pas ? Disons que nous ne sommes pas à l'apogée de l'histoire de l'espèce. Toutes les fois qu'on est chercher ce qui nous distingue des autres êtres vivants en ce moment-là me semble presque de mauvais goût, au sens que c'est justement parce que toutes nos pratiques sont des pratiques qui tendent à marquer cette distinction, en général, pas toutes, mais nous sommes dans l'état où nous sommes, en termes de crise écologique, etc. Et donc, je vois aussi des situations curieuses du genre, maintenant la culture, on la trouve partout, chez les animaux. C'est intéressant ça. dire, on va, c'est une des façons de dissoudre cette, la culture qui était un des universaux, disons, globaux, humains. On la trouve maintenant partout. Il y a on sait parfaitement que les corbeaux sont presque aussi intelligents qu'en Américain moyen, que les dauphins sont au niveau d'un français, hein, et ainsi de suite, que les perroquets sont presque comme un brésilien. Et alors, bon, voilà. Donc, mon impression, c'est que il y a, en ce moment-là, un besoin politique, et ça je le dis d'une façon, je parle sérieusement là, il y a à mon avis un besoin politique de chercher ce que des universaux, comment dire, des universaux du vivant, plutôt que des universaux de l'humain. Si vous voulez, je pense, et c'est là que je pense que les Indiens sont une mine de suggestions intéressantes du point de vue d'une refonte de notre métaphysique à nous. Ces idées qui sonnent exotiques, qui sonnent presque enfantines, du genre les animaux sont des gens, etc. En fait, elles peuvent être parfaitement adaptées, disons, à des versions primordiales de doctrines métaphysiques tout à fait en vogue, tout à fait acceptables d'aujourd'hui, qui sont acceptables dans les meilleurs salons de Cambridge, de Oxford, de Paris. Par exemple, le panpsychisme, qui est une doctrine dont un des champions est le fils de Peter Strawson, le plus grand philosophe analytique anglais, dont le fils Galen Strauss, on sait aussi un grand philosophe, et qui développe toute une métaphysique réformiste, comme dirait son père, non pas descriptive, métaphysique réformiste basée sur la notion du panpsychisme. Évidemment, c'est un panpsychisme un peu différent de celui des Indiens, disons, mais on voit là une sorte d'intuition préconceptuelle qui est partagée avec d'autres peuples du monde, et qui est partagée aussi par d'autres philosophes, comme Tard, ou Whitehead, ou Bergson, enfin, ce n'est pas du tout une doctrine exotique des Indiens, ou de Mongoliens, ou de Mongols, ou de Sibériens, mais c'est une intuition préconceptuelle qui s'exprime en plusieurs langages, des langages sophistiqués, des langages moins sophistiqués, des langages plus proches de la pratique, des langages moins proches de la pratique. Strauss en n'est pas un topinamba, mais quand même, ils sont tous, attuned, ils sont tous alertes au fait que peut-être que les apories du matérialisme dépendent de sa mise en relation étroite avec une métaphysique panpsychiste. Il n'y a pas la même chose qu'un vitalisme ou qu'un animisme au sens banal du terme. Mais la seule façon de résoudre les apories du matérialisme, que comme disait Salins, doit être une forme de l'idéalisme, puisqu'il est faux aussi, il doit donc forcément être une forme de l'idéalisme, puisque l'idéalisme est faux et le matérialisme, puisqu'il est faux, il doit être aussi faux, il doit être une forme d'idéalisme. Et alors là, je vois dans ces mondes indiens des questions qui n'ont rien à voir avec les universaux cognitifs, ou peut-être qui ont des choses à voir avec les universaux cognitifs, la tendance à attribuer des intentions, etc., à d'autres espèces, ou à des non-vivants d'ailleurs aussi, peut-être considéré comme un universel, mais c'est un universel qui est tellement différemment élaboré par les différents groupes du monde, que c'est ça qui m'intéresse. C'est le fait qu'on peut parfaitement dire que tous les peuples du monde ont, tous les enfants du monde, tous les enfants humains ont tendance anthropomorphiser l'environnement, etc. Oui, bien sûr, mais il y a des sociétés qui bâtissent des systèmes rituels, des systèmes philosophiques, des systèmes d'action, des systèmes politiques là-dessus. Il y a d'autres, au contraire, qui combattent ça, qui font tout pour éduquer les gens à ne pas faire ce genre de choses-là. Comment se fait-il qu'il y a cette espèce de grand split entre, étant donné qu'on a les mêmes universaux à ce niveau-là? Ça, ce sont des questions qui m'intéressent, par exemple. Je voudrais revenir aux Indiens. Tu disais à l'instant, si j'ai bien compris, que la culture est un jeu, une perception individuelle, que la nature serait l'huile, que le tu et le supranaturel, enfin le surnaturel, existe-t-il ou non un nous ou non, ou un espace comme ça? Le jeu est un autre. Excellente question, parce que je pense qu'on a parlé de la série pronominale au singulier, mais en fait, pour moi, le pronom vraiment problématique, le pronom qui est vraiment en jeu aujourd'hui, c'est le nous. Au sens que, d'abord, dans la phrase de Rorty que j'avais mentionnée, c'était, il y a des choses que nous, les intellectuels libéraux occidentaux, alors, moi de dire, mais nous qui? Moi, je ne suis pas libéral, je suis un intellectuel, mais je ne suis pas libéral et occidental, oui, au sens géographique, puisque le Brésil appartient à l'Occident, mais je ne serais pas considéré occidental par Rorty. Donc, il dit, nous, je refuse votre nous. Donc, et ensuite, quand on dit nous, toutefois qu'on dit nous, toutefois qu'un philosophe surtout dit nous, je me demande les portefeuilles de qui il est en train de piquer. Hein? Parce que nous, alors je... Pas moi, hein? Non. Include me out dans le nous. Parce qu'il y a tout... Le nous, c'est évidemment un cri de ralliement, d'inclusion, mais d'une inclusion qui n'a pas forcément... Les autres qu'on a inclus dans le nous n'ont pas été forcément consultés. Peut-être qu'ils vont dire, mais nous ne faisons pas partie de votre nous. Nous ne voulons pas faire partie de votre nous. C'est ça une question absolument fondamentale, par exemple pour Latour, qui essaie de construire son monde commun à partir d'une idée que tout le peuple, tout le terrien, tout le peuple du monde ont intérêt à négocier un monde commun qui nous sorte de cette affaire infernale où nous sommes mis. Moi et Philippe Descolas, d'ailleurs aussi, parce que tous les gens qui ont travaillé avec les Indiens connaissent ça très bien, nous disons toujours à Bruno Latour, écoute, les Indiens que je connais vont t'envoyer au diable, hein, vont dire, nous, laissez-nous afficher nous la paix. La célèbre question, l'activiste américain qui arrive chez les Indiens, il dit, que pouvons-nous faire pour vous? Il dit, vous n'avez qu'à rentrer en Europe. C'est simple. Et tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer en Europe. Rien de plus. Et donc, les nous, à mon avis, c'est un pronom. Et j'irais jusqu'à dire que c'est une autre définition possible d'anthropologie, c'est celle de dire que l'anthropologie, c'est la science, si vous voulez, de déterminer les conditions sous lesquelles on dit nous. Qui dit nous, quand, où, comment, pourquoi, et à quelle attention. Et je pense que c'est une question, à mon avis, fondamentale pour continuer dans le jeu de pronoms. Hein? Et les nous, et encore plus, parce que, par exemple, il y a toute la différence au monde entre un groupe qui dit, en général, un groupe majoritaire qui dit « vous êtes différent de nous », par exemple, les Allemands nazis qui disent des Juifs, vous êtes différents de nous, et un groupe indien, c'est-à-dire une minorité, qui se tourne vers le gouvernement brésilien et dit, nous sommes différents de vous. Donc, nous avons deux droits spécifiques. Nous voulons un traitement différentiel parce que nous sommes différents de vous. C'est complètement différent, différent de dire vous êtes différents de nous et nous sommes différents de vous. Ça tout dépend de qui dit c'est nous et c'est vous dans ces situations de pouvoir. Je pense que c'est entre le nous et le vous que le pouvoir se joue. Parce qu'il s'agit toujours de collectif dans ce cas-là, non? De société. C'est-à-dire le nous pose un collectif immédiatement. Et dans quelle situation un collectif peut émerger, peut se dissoudre, peut se constituer à l'insu de ses participants, et ainsi de suite. Personne ici a demandé à être les citoyens du pays où il est citoyen. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas demandé si je voulais être brésilien. C'est-à-dire personne n'a pas demandé ça. Je fais partie du nous brésilien forcé, disons. C'est-à-dire, je suis obligé d'être brésilien. Je n'ai pas de choix. Évidemment, je peux m'expatrier, mais c'est très compliqué. Et ensuite, à quoi bon changer un nous pour un autre nous également totalitaire, totalisant, totalisateur? Pourquoi laisser d'être brésilien pour devenir français si c'est la même chose dans ce sens-là que on devient partie d'un nous sur lequel on n'a pas effectivement. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Alors juste, Pierre-Laurent vient d'obtenir un petit délai pour qu'on quitte la salle un peu plus tard que l'heure prévue, mais on ne va pas pouvoir déborder trop. Donc on a maximum 20 minutes à partir de maintenant. Donc j'ai vu qu'il y avait une question au fond et une question d'Arnaud. Il y a ce... Monsieur. Oui, donc je vais vous prendre dans l'ordre. Donc monsieur, allez-y. Oui, alors j'ai une petite question assez rapide qui se recoupe assez. J'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit auparavant. Alors, je déborde un petit peu votre conférence, mais il y a une phrase qui m'a marqué, c'est lorsque vous avez dit qu'on n'était pas forcément à notre apogée en tant que, qu'espèce humaine. Alors, tout d'abord, avant de critiquer cette phrase, j'aimerais questionner qu'est-ce que c'est qu'une apogée. Et c'est la première chose qui marque. Comment nous, on peut avoir le recul nécessaire pour se dire, pour dire que notre espèce humaine est à l'apogée ou non, et comment on peut avoir même cette capacité de conception en pensant même qu'on a le recul nécessaire pour dire qu'on est à l'apogée ou non d'une période ou d'une espèce. Et la deuxième question, je me permets de la glisser doucement, c'est un autre mot qui m'a marqué, c'est quand vous avez dit que les indigènes inventaient une mythologie, une cosmogonie, et j'aimerais savoir dans quel sens vous pensiez ce mot inventé, qui me paraît assez fort. Voilà, c'est juste une petite question, une petite phrase qui m'a marqué. C'est tout. Donc, pour commencer avec l'apogée, là. Oh, oui. Évidemment, l'apogée, c'était une façon de parler, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'était que l'espèce humaine se trouve dans ce moment-là devant de défis écologiques et économiques absolument inouïs pour la première fois dans son histoire en termes de population, en termes de ressources, en termes de changements climatiques globaux, et que l'espèce est évidemment. En plus, c'est toute l'espèce qui est en danger qui a été causée par une partie infime de cette espèce, c'est-à-dire par, évidemment, le 1%. Nous sommes de 99% en ce sens-là. C'est-à-dire, c'est le célèbre anthropocène qu'on est censé avoir entré, mais qui a été rebaptisé récemment par un historien américain avec, à mon avis, plus de propriétés, de capitalocène, c'est-à-dire, c'est l'époque du capital, qui nous a amené dans un certain régime thermodynamique de la planète qui n'est pas favorable à la vie humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est dans ce sens qu'il dit qu'on ne vit pas l'apogée de l'espèce. C'est-à-dire qu'on est 7 milliards, on va bientôt être 10 milliards. On ne voit pas la fin du système capitaliste qui a produit le système capitaliste à base industrielle de consommation d'énergie de combustibles fossiles. On ne voit pas la fin de ce système-là. Et donc, on a devant une menace, ce que Stenger appelait l'irruption, l'intrusion de Gaïa, une menace qui est une menace nouvelle. On avait pensé que la modernité se définit par son indépendance de la nature, par sa capacité de sortir, d'avoir sorti de la nature pour en revenir en maître de la nature. Et finalement, on voit la nature échapper de tous côtés. Et ça, c'est ça que je voulais dire, qu'on ne vit pas le moment le plus brillant de l'espèce. Ça me rappelle, je reviens toujours sur une chose, parce qu'il y a un point, un préjugé qu'on dit toujours que les primitifs, les sauvages, les pauvres sauvages de l'Antiquité, ou même d'aujourd'hui, avaient deux peurs majeures. Ils avaient peur de la nature, parce qu'ils ne la contrôlaient pas, de la pluie, de la tempête, des orages, etc. Donc, d'où la magie, d'où la religion, ça a été né de la peur de la nature, qu'elle n'était pas contrôlable parce qu'il n'avait pas de la science. Et l'autre peur qu'avaient les primitifs, c'est la peur des autres, la peur de l'étranger, la peur de l'ennemi. L'autre n'était pas humain. Si on regarde autour de nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, nous sommes tous effrayés par la nature, et l'immigration, l'autre, l'arabe, le réfugié du climat, et enfin, les Chinois, enfin, l'étranger est redevenu une menace. On commence à avoir peur à nouveau, et de l'étranger, et de la nature. Donc on est redevenu des sauvages, en ce sens-là, je parle d'une façon métaphorique. Alors, quant à l'invention, je ne perds d'employer ces mots. Je pense qu'on a tendance, Lévi-Strauss l'avait déjà remarqué, on a eu trop tendance à penser que les choses que faisaient les Indiens, les institutions sociales, les rituels, les mythes, etc., étaient poussées comme des fleurs, quoi. Étaient de produits naturels du métabolisme cognitif humain et punto, quoi. Il dit peut-être qu'on a exagéré un peu là-dessus et qu'il y a pas mal de choses chez les Indiens qui ont été effectivement inventées au sens de pur du terme. Par exemple, les systèmes de parenté australiens ont été inventés par les Australiens. Les différentes tribus australiennes se sont mis de concert pour produire un système que puisse se traduire dans toutes les langues, c'est le système de section, de section matrimoniale, qui a été ajusté par le moyen d'une convention internationale, au sens littéral. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans un lieu déterminé, à un moment déterminé, mais au bout de quelques siècles, ils ont inventé un système de parenté qui est le même à ce niveau-là dans toute l'Australie, mais ça a été une invention consciente. Et Lévi-Strauss disait de Bororo que les institutions de Bororo étaient trop compliquées pour avoir été produites comme ça, par une dialectique naturelle, quoi, de la société. Qu'elles doivent être forcément, et pensait-il, elles devaient être forcément quelque chose qui avait été délibérément inventé. Et alors, je pense que ce qui ne manque pas de... Vous voyez, les Indiens seront Swiss Salins et les autres de cette époque-là, l'époque dorée où on pensait que enfin, la ville des sauvages était bonne, quoi. Les Indiens passent la moitié de leur journée sans rien faire, hein, au sens de travail dur. Donc, ils ont pas mal de temps pour penser et inventer des bizarreries mentales. Donc, c'est pas le temps qui leur manque. Pour inventer des choses. Et je pense qu'ils inventent des choses tout comme nous. Bates en décrit dans Naven, son célèbre monographie, des célèbres disputes théologiques entre les deux moitiés que composait la société Yatmul. Parce qu'une société disait que le soleil était plus puissant que la lune, et l'autre disait que c'était le contraire, parce que la lune occultait le soleil pendant les éclipses. Donc la lune devait être forcément... C'était une dispute métaphysique sur la précédence de la lune sur le soleil, puisqu'une moitié était lunaire, l'autre était solaire. Et donc on voit bien que ça, c'est une discussion comme celle que nous avons ici, enfin c'est une discussion technique sur des questions des précédences métaphysiques et tout ça. Donc les Indiens sont parfaitement capables d'inventer des choses, évidemment. Il y a d'autres choses qui sont sédimentées par des siècles de millénaires, de transmissions, etc. Mais bon, comme tout, quoi. Je suis désolée, il faut que je distribue la parole parce qu'on va être obligé de quitter la salle. Donc. Arnaud, tu avais une question? Oui, j'ai une question assez rapide. Je voudrais bien sûr prendre au sérieux, ne pas prendre au sérieux. Donc, il y a bien ne pas prendre au sérieux ce que les autres prennent au sérieux, ça c'est la position de Rorty. Ne pas prendre au sérieux ce que les autres ne prennent pas au sérieux, ça c'est la position du Danois, donc, qui est évacué. Pour prendre au sérieux, donc prendre au sérieux à la fois ce que les autres prennent au sérieux et prendre au sérieux ce que les autres ne prennent pas au sérieux. Alors, ma question c'est, est-ce que dans cette manière de prendre au sérieux ce que les autres disent, ou ce que les autres. On peut tout prendre au sérieux de la même manière, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre au sérieux de la même manière des gens qui parlent de fantômes que des gens qui parlent de génocide? C'est-à-dire, en gros, est-ce que dans vous réintroduisez la question de la critique, ou est-ce que, comme la tour, vous évacuez la critique? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, c'est-à-dire que pourquoi faut-il prendre au sérieux de la même manière les gens qui parlent de génocide et les gens qui parlent de fantômes? D'abord, il y a des génocides qui n'ont pas existé, et il y a des fantômes qui peut-être existent, d'abord. C'est-à-dire qu'il y a des génocides imaginaires. On peut parfaitement dire que les Turcs disent que les génocides arméniens n'ont jamais existé, n'est-ce pas? Et je trouve ça abominable comme position. Mais c'est quelque chose qui est maintenu dur comme fer par les Turcs. Les génocides arméniens n'ont jamais eu lieu. Pour ce qui est des fantômes, bon, vous savez. Alors, prendre au sérieux n'est pas croire. C'est ça, voilà. Prendre au sérieux n'a rien à voir avec croire. Alors, on ne peut pas croire. La question qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit, c'est je trouve ça abominable. C'est-à-dire qu'on vous dit je trouve ça abominable, tout d'un coup, vous réintroduisez la critique. Ah, oui, oui. Je vois, je veux dire, je peux pas m'empêcher de trouver ça abominable, mais si mon sujet de recherche, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là, donc je peux me permettre d'abominer tout ce que je veux. Mais si mon sujet de recherche est, par exemple, l'histoire de rapport entre Arméniens, Turcs, l'Empire Ottoman, et Palestiniens, etc., etc., je dois prendre très au sérieux tous les arguments de ces gens-là et voir ce qui est en jeu, distinguer par exemple est-ce que le motif c'était religieux, est-ce que le motif était nationaliste, est-ce que c'était une question de... est-ce que c'était les grands pouvoirs d'Europe qui ont joué derrière, et tout ça. Mais prendre au sérieux pour moi, c'est parce que l'équivoque c'est là. Prendre au sérieux n'a rien à voir avec croire ou ne pas croire. Parce que croire ou ne pas croire, on ne peut croire qu'à des propositions. Et ces choses-là ne sont pas des propositions. Ce sont d'abord, il n'y a que des propositions qui peuvent être vraies ou pas, je pense. Ensuite, croire, pour pouvoir croire, il faut d'abord imaginer que toutes ces choses-là sont des systèmes de croyances. Et je le trouve dans le fond de croyance une notion... dur à travailler avec, une notion équivoque. J'irai pas si loin que Bruno Latour qui dit que la croyance n'est pas un concept anthropologique, c'est un mode de relation entre deux peuples. C'est-à-dire que c'est les autres qui croient, nous le savons. Nous savons, eux ils croient. C'est-à-dire que c'est en fait un concept politique. Peut-être. Mais. De toute façon, prendre au sérieux n'est pas croire. Je n'ai pas besoin de croire à ce que me disent les Indiens pour le prendre au sérieux, parce que sinon, je deviendrais fou vite. Au sens que chaque fois que je vais dans un truc différent, il faut que je commence à croire des choses différentes. Et alors là, donc prendre au sérieux, c'est simplement essayer de restituer le monde possible qui fait que ces énoncés qu'on écoute sur le terrain puisse faire du sens. C'est-à-dire que dans quel monde peut-on, par exemple, commettre un génocide? Dans quel monde peut-on brûler 6 millions de personnes comme ça? Dans quel monde peut-on refuser d'entrer dans une maison parce qu'elle est hantée par des fantômes? Quel est le monde, quel genre de monde? Donc ce qu'il faut, c'est précisément, quand je parle d'ontologie, je parle précisément d'essayer de reconstruire le soubassement ontologique de ces affirmations, de ces énoncés, de ces croyances qui les gens proposent. Et donc l'idée, c'est de comment déduire et comment traduire ce monde-là, l'un dans le langage de l'autre. Il y a toute une question là que je ne veux pas m'approfondir là-dessus, c'est que je tends à être d'accord avec mon collègue Martin Holbrat, qui va être là bientôt. Et l'ontologie n'est pas une propriété de culture, comme si l'ontologie était un trait culturel, comme autre. Il y a des questions ontologiques qui surgissent quand deux langages différents, deux langages conceptuels différents se heurtent. Et donc, c'est là que la question se pose. Quand les Nuer disent « les jumeaux sont des oiseaux », la question, c'est là, on a là une question ontologique. Ça ne veut pas dire que les lunaires ont une ontologie différente de la nôtre. La question de savoir dans quel monde peut-on dire que les jumeaux sont des oiseaux? Que faut-il présupposer pour pouvoir dire que les oiseaux, que les jumeaux sont des oiseaux, sans dire que les lunaires sont fous, ou sont bêtes, ou ne sont pas capables de distinguer les oiseaux des jumeaux, ou des choses pareilles? Donc, pour moi, ontologie, ça veut dire précisément restituer le monde possible des énoncés impossibles, si vous voulez. C'est-à-dire, comment prendre au sérieux, c'est ça. Je trouvais très intéressant votre position, même à niveau politique, de l'anarchisme ontologique, comparativisme métaphysique, comme un instrument de critique même radicale à la société dans laquelle on habite. Je me demande parfois si ce dualisme que vous avez expliqué, que ce n'est pas un dualisme de substance, mais c'est un dualisme même une provocation, non? Mais si ça peut devenir parfois un piège, non? Quand on parle des sociétés amérindiennes qui sont profondément bouleversées par le capitalisme, même à un niveau théorique, même à un niveau politique, si ça peut devenir parfois un piège de ce type de dualisme. Et l'autre question, vite fait, c'est la question de à comment rendre à l'autre cet ouvrage de métaphysique comparée, non, de comment rendre aux Indiens, comment ça peut devenir quelque chose, une anthropologie action sur le terrain. C'est ça un problème que je me demande parfois. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris au sens. D'abord, parce que j'avais oublié de dire que je deviens sourd, dur d'oreille. Donc, des fois, je ne comprends pas tout ce qu'on me dit. Mais, bon, d'abord, oui, effectivement, il y a des millions, en fait, d'Indiens qui sont dans un état de délabrement culturel, économique, politique, et qui ont été avalés, quoique pas complètement digérés, par le capitalisme, par les sociétés nationales. Mais quand j'ai posé l'idée, par exemple, d'une métaphysique amérindienne, c'était en fait, comment dire, non pas une notion descriptive de la situation de culture amérindienne en général, d'abord parce que c'était une généralisation de haut niveau, et ensuite c'était en fait plutôt un concept performatif qu'un concept constatif. C'est-à-dire que c'était pour que une métaphysique amérindienne puisse se reconstituer, c'est en ce sens qu'elle était performatif ou désidératif, si vous voulez, c'était sur le mode désidératif plutôt que sur le mode constatif que j'avais posé la notion de métaphysique amérindienne. Et c'est à cause de ça que j'ai dit que j'étais très content, très, très ému de voir mon livre traduit en espagnol et qu'il commence à circuler parmi les Indiens qui lisent l'espagnol maintenant. utilisent les smogs justement parce qu'ils ont été, ils ont perdu leur culture, etc., etc., etc. Alors ils prennent les livres, ils les lisent. Et donc je me vois d'un coup cité par des indigénistes, des mouvements indigénistes de Mexique ou du Pérou, mais des néo-indiens des fois, mais bon. C'est mieux d'être néo-indien que néo-américain ou néo-new-yorkais, donc pour moi c'est bien des néo-indiens, je n'ai rien contre. Des fois je vois des gens comme ça en se prévalant de perspectivisme, par exemple, comme s'il s'agissait d'une voilà, c'est ça la pensée amérindienne. Je trouve en même temps, évidemment, ça me laisse un peu mal à l'aise, mais en même temps, je ne peux pas nier que je me sens fier de ça, parce que je permets aux Indiens de s'appuyer sur quelque chose, ces Indiens qui ont besoin de ça, parce qu'il y en a aussi qui ont aucun besoin de mon livre, Dieu soit loué. Et mais il y en a d'autres qui, au contraire, qui l'utilisent précisément pour se reconstruire en un discours qu'ils estiment être un discours qui parle aux Indiens. Et je pense que, voilà, j'ai la velléité de penser que j'ai su bien parler aux Indiens avec ces livres-là. Sinon, ils n'auraient pas pu les prendre. Je me rappelle au contraire d'un livre, d'un article que j'ai écrit, capté et publié par Nanterre. L'article s'appelait « De l'inconstance de l'âme sauvage ». C'est un article sur l'inconstance de l'âme sauvage. C'est un topos classique de la littérature missionnaire que les jésuites, qui a été traduite en partie par Fabien. Voilà. Et c'était un article en fait pour rouer cette inconstance, pour dire que les Indiens résistaient à la conversion, et les jésuites disaient ils sont inconvertis, inconversibles, parce que ces gens-là sont inconstants, ils ont la tête dans l'air, ils croient à rien, etc. Alors, pour moi, c'était au contraire une façon de le louer. Mais les Indiens qui ont lu cet article ont été très très enragés par les titres en disant « Ah, alors on est tout, et en plus on est des inconstants aussi. » C'est-à-dire, ils avaient lu ça comme si j'étais en train de les décrire comme des gens il manquait de la constance, de la persévérance, etc. Et ils disaient « Non, vous vous trompez, c'est pas du tout ça. » Mais ça a été difficile, hein, parce qu'ils avaient... Tandis que dans la métaphysique cannibale, par exemple, jusqu'à ce moment-là, aucun Indien n'est venu se plaindre du mot cannibale. Peut-être que quelqu'un va arriver, un Indien va me dire, mais vous nous caloniez, ce sont des calomnies, des injuries, nous n'avons jamais été des cannibales, tout comme vous n'avez jamais été moderne, nous n'avons jamais été des cannibales. Et alors, je serais dans une situation difficile, parce que si vous avez été quelques-uns d'entre vous avec des cannibales. Donc, voilà. Bon, ben, je voudrais d'abord remercier immensément Eduardo d'avoir accepté de participer au séminaire et pour son intervention de ce soir. Je voudrais donc dire un mot aussi pour dire que c'est la dernière séance du séminaire cette année. On espère qu'on pourra essayer de le reprendre l'année prochaine, auquel cas on vous tiendra au courant. Et on voulait vous rappeler que la semaine prochaine, les 6 et 7 mai, il y avait le colloque Penser avec l'anthropologie, auquel Eduardo participera notamment, et d'autres participants ici. Donc merci à tous d'avoir suivi le séminaire cette année, merci à tous les participants d'avoir accepté d'y intervenir, et on espère à très bientôt.